On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I've been to the wall. On the rocks. Oh! Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Yo! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rock sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Comme tous les lundis soirs, ou presque, alors là il y a eu une grosse pause forcément, l'été, on se repose, on bronze un peu, et je reviens très très en forme et très content de vous retrouver, puisque, chers amis, nous allons entamer la 30e année dans The Rock. Ça fait peur, hein. Ça fait un peu peur. Mais je ne suis pas seul ce soir pour souffler mes petites bougies. Alors c'est pas ce soir, là, c'est l'émission spéciale. Ce sera vers le mois de décembre. Mais on va quand même un petit peu regarder dans le rétroviseur. On the Rocks. Ben, ça fait donc 30 ans que ça dure. C'est 1h30, voire 2h de rock'n'roll, de musique et de bande dessinée pour la première fois en 30 ans. C'est ce soir qu'on inaugure, car je ne suis pas seul. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ah, mais je vous entends très très bien. Je vous entends très bien. Donc je vais vous laisser vous présenter. Il y en a un, c'est un vieux briscard que je sautille de joie à chaque fois que j'aperçois. Donc je sautille ce soir. Et puis un autre, c'est un nouveau venu. C'est comme les rentrées scolaires, il y a les nouveaux dans la classe. Donc il est là. Eh bien, je vous laisse vous présenter. D'abord le vieux briscard. Eh bien, c'est Christophe de l'association Rock 7 à Blois. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de venir plusieurs fois ici. Tu as eu le plaisir de venir à Blois aussi dans notre émission de radio. C'est vrai. On se fait des échanges et aujourd'hui, toi, tu commences ta 30e année. Nous, on est désolés, on commence notre 20e année avec Rock 7. Petit joueur. C'est l'occasion, avec Bruno qui va se présenter, de faire une très très belle expo à Blois. Et ça, ça promet. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Donc, Bruno Ginini. Donc, moi, je suis de l'association BD Boom à Blois, donc qui organise chaque année un festival en novembre. Et puis, je travaille aussi à la Maison de la Bande Dessinée à Blois. Voilà. Alors, pourquoi rock'n'roll? Pourquoi BD? Mais pourquoi ces deux-là sont-ils ensemble alors que, voilà, on pourrait se demander, eh bien vous allez voir, ça promet, ça commence dès demain, si je ne m'abuse, c'est ça? Exact. Et donc ça va être assez merveilleux, ils vont en parler pendant toute la soirée, mais ils ne sont pas venus les mains vides puisqu'ils sont venus avec des disques qu'ils écoutent de temps en temps, ou très souvent, ou très très très souvent. Et ils vont nous dire pourquoi ils ont apporté ces morceaux-là. C'est donc On The Rocks, on commence comme d'habitude avec le coup de cœur de l'émission dans On The Rocks. Eh bien c'est une jeune musicienne australienne qui vient de sortir un morceau assez réjouissant, elle s'appelle Alex LaHaye, ça s'appelle Congratulations. Et bah voilà, c'est, vous voyez, c'est le genre de situation où son ex-mari est très heureux et vous êtes un peu le nez dans le caca et vous lui dites, bah tu te maries, bah félicitations. C'est un peu ça le morceau, ça donne un peu la pêche et c'est du jus pour commencer. Et puis juste derrière, bah on va voir si vous reconnaissez, si vous avez les oreilles affûtées. Messieurs, c'est le coup de cœur ce soir, donc ça c'est tout nouveau, tout chaud, ça vient juste de sortir. Alex LaHaye avec Congratulations, vous êtes dans On The Rocks. Something in my eyes. Vous avez peut-être reconnu si vous avez les oreilles affûtées et si vous avez plus de 25 ans. À l'instant, alors je sais pas, vous avez messieurs. Alors tout de suite, je te dis que j'ai pas du tout les oreilles affûtées en cette rentrée. C'est vrai. Je suis pas affûté. D'accord. Donc un rendez-vous chez l'ORL pour Christophe. Donc je le note. Bruno, t'as reconnu? Mais c'était écrit trop petit et en fait j'ai besoin de lunettes moi. Bah c'était les Pixies. C'était. Tu sais quoi? Oui. Mais vraiment, sincèrement, j'y ai pensé. Non, ça marche pas. Après qu'on l'ait dit, ça marche pas. Je trouvais que c'était trop joyeux pour que ça soit les Pixies. Eh ben oui, mais ils sont de plus en plus joyeux, les coquins. Ouais. Donc, voilà, ils reviennent à des morceaux un peu plus mélodiques. Il y a des choses qui me rappellent la grande époque des Pixies. Ouais. Donc, voilà, je vous conseille les derniers morceaux des Pixies qui sont vraiment réjouissants. Et je suis rassuré, en fait, Frank Black chante comme Frank Black. Frank Black s'est chanté à nouveau. Parce que je l'avais vu en concert à Saint-Nazaire. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Saint-Nazaire qu'ils ont écrit après ça. Je suis parti à la moitié du concert alors que j'étais un grand fan des Pixies dans les années 90, mais là ça m'avait vraiment fait de la peine. Et c'était Alex Lahey, donc juste avant, avec Congratulations. On va suivre ça de très très près. Ce soir, le mot pour cette reprise d'On the Rocks va être le mot rétroviseur, mais on va pas faire dans la nostalgie et dans les vieux croutons du style c'était mieux avant. C'est ce genre de rétroviseur qui fait qu'on savoure également le présent. Alors moi, il va y avoir un peu de rétroviseur cette année, puisqu'on fête les 30 ans, et dans chaque émission, en attendant l'émission spéciale, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, eh bien il y aura un petit coup de rétroviseur où je vous raconterai une petite anecdote ou quelque chose qui, voilà, un petit souvenir de ces 30 ans de rencontres, d'interviews, d'artistes, bien ou pas bien d'ailleurs. Ce soir, c'est plutôt sympa. Et puis vous, alors là, un rétroviseur de qualité, messieurs, dames. Ça, c'est du rétroviseur de qualité, regardez-moi ça. Puisque là, c'est 20 ans et c'est une radio, Rockset, et du rock'n'roll. Une émission, radio Rockset. Ouais, c'est une radio en soi. Une émission de radio Rockset, diffusée à Blois, bien sûr, sur Zef. Bien sûr, sur Zef, qui nous rediffuse. Et un salon de la BD qui s'appelle BD Boom. Alors, comment c'est possible de s'acoquiner? Qu'est-ce que vous allez nous concocter d'à partir de demain? Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que c'est pas la première fois qu'on travaille avec Rockset. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours une proximité bande dessinée et rock, hein, déjà depuis quelques années dans la bande dessinée en général, à Blois en particulier. Et souvent, on a travaillé avec Rockset sur la co-organisation de concerts, sur des signatures, sur des conférences, sur des bandes dessinées qui tournaient autour du rock. Et donc, puis on aime bien travailler avec Rockset. C'est vrai qu'on travaille aussi régulièrement nous avec le Château d'Eau. Et puis il y a un an, Christophe est venu me voir avec un projet dans sa musette. Voilà. Yeah, c'est le genre de gars qui a des projets. C'est ça. Et en plus, ce qui est bien avec Christophe, c'est que quand on sait qu'il a un projet, on sait que c'est sérieux. Donc d'abord, on peut pas refuser. Parce qu'il est costaud. Il est sympa. Mais en plus, souvent, il y a des fois, on nous propose des projets comme ça. Et puis après, on dit, mais ça va être un truc qui va foirer. Et là, quand Christophe vient avec un projet, on se dit, ça, c'est un projet qui va réussir. Bruno, c'est beaucoup d'honneur. Mais c'est vrai que je me souviens très très bien de l'été dernier où, j'allais dans ma petite piscine et ça m'est arrivé dans la tête comme ça parce que je réfléchissais comment faire pour fêter nos 20 ans d'une façon un peu originale. Parce que c'est un gars qui réfléchit que dans les piscines, faut savoir. Faut de l'eau, quoi. Ouais. Là, j'étais en voiture. Et donc, pour changer un peu du mode habituel de notre expression en concert, je pensais, parce que Bruno dit qu'on a l'habitude de faire des trucs ensemble et c'est vrai que nous, on aime bien être avec BD Boom parce que à chaque fois, c'est quelque chose aussi de qualité. Et donc, j'imaginais des choses. Et d'un seul coup, j'ai eu un tilt. Je me suis dit, ouais, refaire une rétrospective, pas forcément que musicale, mais qui irait dans autre chose. Et dans le monde de la BD, qui est aussi très connexe avec la musique, on pourrait peut-être faire quelque chose avec Bruno, BD Boom, la maison de la BD. Et bah ça a démarré comme ça. Les gens de Roxette ont dit bah oui, c'est une très bonne idée. Et puis bon après les choses se mettent en branle avec Benny Boom et là tu t'aperçois que c'est pas Roxette qui travaille, c'est une autre institution. Oui, c'est ça, c'est que tu lances et, des idées pour faire bosser les autres. Ouais, ouais, et, c'est pas mal, et là ça bosse dur. Ouais, on est exploité en fait. C'est ça. Ouais. En fait c'est un truand, il est sympathique, c'est mais ça, c'est un truand. C'est ça, ouais. Et c'est bien parce que pour la première fois on a eu la mairie de Blois qui nous a aidé directement aussi. Qui nous a dit bon bah c'est vos 20 ans on va vous mettre donner un petit peu d'argent pour faire ça et ce qui nous a permis de d'avoir un prisme un peu plus large de ce que nous on peut faire habituellement simplement Roxette. Alors l'idée est simple mais géniale, 20 ans, 20 musiciens, enfin 20 artistes 20 musicaux, 20 événements et 20 dessinateurs. Voilà. Dessinatrice. Les adhérents Roxette se sont réunis. Donc, sur 20 ans, je crois qu'au dernier recensement, on a fait 172 événements. On a accueilli plus de 200 artistes. Et donc, il a fallu faire un choix. Donc, ça a été sympa comme genre de réunion. Il y a eu des joutes, tout ça. Donc, on a dégagé 20 artistes. Musicien et après bah, le but du jeu avec Bruno c'était de relier ça avec 20 dessinateurs, graphistes, illustrateurs qui étaient soit en connexion avec la ville de Blois ou soit qui étaient en connexion avec le salon BD Boom et la maison de la BD et donc là on a discuté tout ça et Bruno a été très riche en initiatives. L'idée c'était de quand on a eu la liste en fait des 20 concerts c'était de voir qui pouvait mettre en image en fait cette affaire-là. Ce qui était bien, je trouvais au niveau du casting, c'est qu'effectivement il y avait les auteurs de bande dessinée. Alors je sais pas sur la vingtaine de participants, je crois qu'il y a à peu près la moitié. Ouais. Donc en fait des gens que l'on connaissait, qui sont identifiés comme habitués de BD Boom. Habitués de BD Boom et puis des habitués en fait de dessiner en fait la musique hein. Donc on peut citer quelques noms hein, puisque effectivement il y a Jean-Claude Denis. Alors Jean-Claude Denis, grosse pointure quand même, grosse pointure qui était qui avait eu le grand boom Ville de Blois, qui était Grand Prix d'Angoulême aussi il y a quelques années, qui fait de la musique qui a fait de la musique notamment avec Berberian, qui a sorti deux trois albums. Donc c'est quelqu'un que l'on connaît assez bien, donc on lui a proposé, il était plutôt partant. Il y avait aussi Jean Solé, historique, donc qui a vu les Beatles, monsieur, en 1964 à l'Olympia. Exactement. Et alors, Jean Solé, ça a été notre première point de rencontre avec BD Boom sur un truc commun où Jean Solé était invité à la Fondation du Doute pour une conférence sur le rock. Il était interrogé par Denis Rouleau à l'époque et Jean Solé racontait toute sa jeunesse, notamment ce concert, mais qui raconte mais vraiment très très bien le concert des Beatles en 64. Salaud. Et salaud. Ça c'était et donc d'avoir Jean Solé comme participant à cette expo, c'est vraiment, et en plus il illustre un groupe que nous on a adoré recevoir, les Pretty Things. Ouais. Donc il y a une très belle illustration d'ailleurs. Une espèce de convergence avec tout ce qu'on vit à l'intérieur de cette association qui est vraiment au top. Alors ce qui va être très compliqué ce soir, c'est qu'on va parler de groupes qu'on va pouvoir écouter, ça c'est facile à la radio, mais d'illustration, donc une illustration, on est bien clair, hein, c'est une illustration d'un illustrateur et d'un auteur de BD, enfin d'illustrateur de BD sur un artiste, chacun le sien, et là on va parler d'illustrations qu'on ne voit pas. Donc il va falloir les décrire, messieurs, ces illustrations, peut-être de temps en temps. En tout cas, moi j'ai eu la chance, tu m'as fait l'honneur et l'avantage, monsieur Christophe, de m'envoyer l'intégralité. Et j'ai été un peu sur le cul, quoi. Quand j'ai reçu ça, c'est assez merveilleux. Alors effectivement, il y a des Solé, on l'attendait un peu là. Enfin, c'est super qu'il ait accepté, mais Solé et le rock, ça fait quand même très longtemps que ça dure. Il y a des artistes qui sont également illustrateurs, mais pas de BD, mais qui a sa coquine avec le rock régulièrement, comme Will Argunas, qui lui en fait et qui est un petit génie à mon avis, ouais. Qui en fait lui son métier, hein, qui c'est son fond de commerce, le rock'n'roll. Et puis, il y a Terror Graphique aussi qui est quand même une grosse pointure. Et puis il y a pas mal d'artistes. On va se passer une petite musique maintenant. Est-ce que de mémoire comme ça, vous pouvez nous dire qui a illustré les Belles Rays? C'est Rollum. Ah, alors un petit mot sur Rollhomme. Rollhomme, donc c'était un auteur tourangeau. Il a travaillé notamment pour Fluide Glacial. Il a travaillé aussi pour Psychopathe. Et puis maintenant, il continue sa carrière. Alors un petit mot sur Rollhomme aussi et par rapport au Bell Race. En fait, c'est un collègue qui l'avait contacté il y a quelques mois. Et il a dit bon en fait moi je veux bien participer mais je veux faire les Bell Race parce qu'a priori il les avait vus avec Roxette. Alors je sais pas en quelle année. Bah donc a priori c'était donc c'est le début de notre casting en fait parce que c'était aussi un souci en fait comment on calait les groupes et les dessinateurs. Oui, fallait qu'il y ait une accointance entre les groupes et les dessinateurs. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc en fait on a commencé avec Rollhomme puisque on savait que Rollhomme voulait faire les Bell Race. Alors, très belle illustration des Bell Race. On voit Lisa et Bob qui ont l'air de faire un peu la tronche, mais ils sont merveilleux dessus. Et à ce propos, donc, ils sont venus en concert le 14 juillet à Orléans. Et tu l'as remontré. Et je leur ai montré. Et y a un effet surprise. Et Lisa, elle a été rayonnante en voyant cette illustration. Et elle voulait tout de suite pouvoir récupérer ça, j'imagine, pour montrer à la terre entière que cette illustration était hyper chouette. Ouais. Alors, ce qui est super aussi, c'est qu'on en reparlera, mais les illustrations sont... Il n'y a pas de différence de niveau, j'allais dire. C'est-à-dire que, comme il y a des grosses pointures, ça aurait pu être, il y en a 6 super bien, et là, tous se tiennent. Et voilà, celle des Bell Race, moi, m'a sauté dessus aussi. Puisqu'on parle des Bell Race et puisqu'on parle du rétroviseur, alors je vais pas vendre la peau de l'ours, mais moi, le petit concept des 30 ans, c'est que j'ai demandé à une palanquée d'artistes qui ont marqué un peu les 30 ans, sauf les morts, hein, je les ai pas appelés, mais qui ont marqué les 30 ans, si vous voulez bien m'enregistrer une petite reprise et l'envoyer pour On The Rocks pour une émission spéciale. Elisa m'a dit « Super, très bonne idée, faut que je demande à Bob ». On en est là. Donc j'attends la réponse de Bob. Mais peut-être les Bell Race aussi dans le rétroviseur anniversaire d'On The Rocks. Et en tout cas, c'est dans On The Rocks maintenant, le morceau, les Bell Race, ça s'appelle Street Corner. Et ça, c'est un choix de Bruno. Yes. C'est parti. We'll be right back. c'était les Bell Rays, évidemment, un des groupes qui sera illustré et qui fera partie de cette exposition à Coquiner, à de quoi, d'une collaboration entre Roxette, la radio et l'émission de radio et l'association qui organise, l'association Roxette, bien sûr, qui organise, et Christophe ici présent, et puis Bruno qui représente BD Boom. C'était les Bell Rays. Donc, est-ce qu'il y a eu des dessinateurs qui se sont battus un peu pour avoir le même artiste? Vous avez d'abord présenté les 20 artistes, la liste? Pas du tout. Ça a commencé comment? Bruno était beaucoup plus stratège. Je sais comment ça fonctionne. Je lui dis, oh, ça va être le cirque. Ça va être une embrouille. Donc, si on envoie la liste des... Alors, peut-être qu'on envoyait la liste des 20, je sais plus. Mais en fait, avec Christophe... Non, crois que tu as dit, pour chaque artiste, tu as proposé un mec. Ouais. Un groupe, et ça a fonctionné à chaque fois. Ouais. On a un peu organisé le casting parce qu'on se dit, ouais, ça va être autrement la foire d'Empoigne. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des auteurs que moi je connaissais assez bien. Donc, et puis Christophe connaissait aussi d'autres illustrateurs. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a réussi un peu à faire des propositions, et tout le monde était plutôt ravi. Puis des fois il y avait des petites anecdotes, par exemple pour Yarol, très belle illustration, ouais. Yarol, donc c'est Eric Sago, donc c'est un auteur nantais. Gaume. Oh l'erreur. coupé donc je contacte Eric, et puis je lui dis, écoute, tu connais Gaume, etc., parce qu'en plus Eric Sago habite Nantes. Et Gaume habite Nantes. Ça aide. Et donc, il m'a dit, oui, au contraire, c'est super, je crois qu'il habite mon quartier, etc. Donc, il m'a dit, est-ce que je peux le contacter? Donc, je vais avec Christophe, qui appelle Gaume, qui lui dit, ouais, il n'y a pas de souci, etc., qui me rappelle. Je file le numéro, ou je ne sais plus, le mail de Gaume à Eric Sago. En fait, ils se sont vus, tout ça. Ils ont fait des apéros, tout ça. Ouais, donc des connexions. Ouais, donc ce qui fait qu'en fait, il y a eu des connexions qui se sont faites comme ça. C'est assez chouette, quoi. Ça n'a pas été le cas de tous les artistes et tous les uns. Ils n'ont pas tous bu des apéros avec leur illustrateur. Hein. Non, par exemple, c'est compliqué de revoir les Pretty Things. C'est ça. Mais pour les Pretty Things, justement, quand on en a parlé avec Soleil. Lui, il était ravi, et il me dit, oui, je les avais croisés à Paris, dans la rue, je sais plus en quelle année, dans les années 60, 70, etc. Donc, il était aussi ravi. Donc, chaque fois, il y a des petites anecdotes comme ça. Alors, c'est pas toujours le cas, mais souvent, on a réussi, en fait, les collaborations, les mariages, en fait, ouais. Est-ce qu'il y a eu des... Alors, c'est un vrai succès, mais est-ce qu'il y a eu des illustrateurs que vous avez contactés qui ont décliné? Qui ont dit, non, moi non. Moi, ouais. C'est la musette. Moi, j'en connais un qui me dit, bah écoute, affine ton projet, et quand tu l'auras affiné, tu reviendras me voir. Et en fait, entre-temps, on a continué à bosser, et à l'arrivée, ça faisait 21. au moment où je me suis dit, ah, j'ai oublié de le rappeler, en fait... C'était 20. C'était complet, et donc... Ah, tant pis, parce que... Alors, il ne m'avait pas dit non, hein, mais il m'avait dit, il faut voir. ça sentait... On ne cite pas de nom, alors... Non, hein, mais c'est un peu voulez, compliqué. Hein. Et puis, c'est surtout que, moi, dans un premier temps, quand je l'ai expliqué, mon idée de départ, c'était de refaire une affiche de concert. Donc, certains l'ont fait, puis d'autres ont dit, ouais, une affiche de concert, bon... Donc, c'est parti sur une illustration plus générale, comme il ressentait l'artiste. Ouais. Et quand je l'ai présenté sûrement à cette personne, peut-être que l'idée de l'affiche, lui, son argument, c'était, oh non, mais moi, je sais pas faire d'affiche, c'est pas mon travail. Donc, tu vois, bon. Alors, il y a un autre auteur, alors ça, on peut citer son nom, hein, parce que lui, c'est une question de planning, c'est Mezzo, que tu avais contacté. Ah oui, ouais, Mezzo, et donc qui sera à BD Boom, qui sort un album sur Hendrix. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines, ouais. Le volume 1. Volume 1. Ouais. Et qui est quelqu'un que l'on connaît bien à BD Boom, puis à Roxette aussi, ouais. Parce qu'on avait fait une expo il y a quelques années, il avait fait une émission de radio avec Roxette, etc. Tu le connais, Mezzo, non? Alors, non. Il a fait un bouquin hyper génial, notamment sur Robert Johnson, qui est vraiment sublime. C'est très. Enfin, après, il a fait d'autres trucs plus fun, qui sont en dehors de la musique. C'est un peu rock'n'roll, un peu barré. Mais là, le bouquin sur Robert Johnson, la qualité picturale, le noir et blanc et tout. Et là, je pense que Hendrix, ça va déchirer grave. Ouais, c'est un maître du noir et blanc. Ouais. Hein, c'est-à-dire que, à mon avis, il doit avoir des factures importantes d'encre de Chine parce que il mégote pas sur l'encre de Chine. C'était plus une question de timing parce qu'il devait terminer son album. Donc il nous avait dit les gars, c'est sympa, ça me plaît bien, mais j'ai pas le temps. Donc on aurait bien voulu l'avoir, mais ça sera pour une autre fois. Pour les 30 ans. Mais comme il est sympa, il sera à Blois, on lui offrira un album. Ouais. Non, ça c'est vous qui êtes sympa du coup. Bon alors, tu connais mon esprit de contradiction. Tu m'avais dit que là, toi, c'était Fizzy Box, mais puisqu'on a parlé de gomme, on va intervertir, on va se passer le petit gomme. Ouais. Est-ce que vous un petit exercice de style qui s'y colle? On a parlé de l'illustration de gomme. Vous la décririez comment, cette illustration de gomme? Alors très étonnant. Elle ressemble à quoi? Ça ressemble pas forcément à gomme comme on peut se le représenter quand on écoute sa musique. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je me le représente. C'est un petit côté très, c'est un espèce de robot peace and love. Je trouve ça pareil, un peu guilleret. En fait, on retrouve l'univers d'Éric Sago, en fait. C'est tout l'intérêt, c'est-à-dire glisser son univers dans l'artiste. C'est ça, c'est-à-dire que on retrouve déjà sa palette de couleurs. En fait, on est un peu dans les sépias, etc. Alors, je sais pas si vous connaissez, il a fait un diptyque qui s'appelle Paco. Pour faire vite, c'est l'histoire de papillon. Voilà, donc le bagne, etc. Cayenne. Sur un scénario de Velman. Donc, et on retrouve en fait, il a des formes un peu géométriques aussi, un peu dans ses personnages, un peu voilà, il y a des têtes un peu plus carrées, etc. On retrouve son univers, sa palette de couleurs. Et c'est quelqu'un en plus qu'un grand talent, et finalement qui passe peut-être un peu sous les radars en fait de la presse un peu bande dessinée, alors que c'est un mec formidable. Voilà, c'est une très belle œuvre. Alors on redit son nom maintenant. Éric Sago. Il a fait notamment Paco en deux tomes aux éditions d'Argo. Vous allez chez votre libraire, vous achetez les deux tomes, puis vous me remercierez après. Et pour parler de gomme, pour les gens qui l'aiment bien ou les gens qui veulent le découvrir, il est ce week-end, dimanche après-midi, en concert à Talcy avec le groupe Red Daff qui organise son Broken'Roll. Et gomme sera là, et il y aura les Orléanais, là, les Rolling June, qui seront là en concert. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, il y aura une belle après-midi musicale. Nickel. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit maintenant pour l'écouter dans On The Rocks, puisque voici Gomme avec The Best Of Your Worst. Et voilà, vous avez hâte de voir l'illustration. On en reparle juste après. Où est-ce que vous pourrez la voir, cette petite illustration? Parce qu'il faut donner les dates et le calendrier, messieurs. Ouais. Ça sera juste après. Wish I could be somewhere no one gets to know. Get lost in space, changing the physical laws, so I could make something up that you would find sensational. We could fly over the wreck and be forever emotional. Now here on my own, standing my ground after hours, obsessively, constantly drawing messy erasures. Now I'm thinking something up that you would find irresponsible, and so the ropes are on my neck just to see if you kick off the table. Thirst of love from on high. À l'instant, un des croquis, un des dessinés de cette expo rétroviseur et de ce livre, parce qu'il va y avoir une expo et un livre. Exact. On l'a pas dit ça encore. Non, pas encore. Eh ben c'est maintenant, on va le dire. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc, le calendrier pour voir un petit peu ce qu'on fait ces illustrateurs, c'est quand ? J'ai dit que ça commençait demain. Tu as bien dit. Pourquoi donc ? Parce que demain c'est le vernissage, donc on se fait une petite présentation. Avec des invités triés sur le volet, évidemment. C'est toi qui tartines les petits fours. Ça va faire partie de mon travail de demain avec d'autres personnes de Roxette, ouais. et puis avec d'autres bénévoles de Bénéboom. Donc demain on fait ça, et comme on peut pas faire une soirée Roxette sans avoir un peu de musique, on a un groupe qui s'appelle Reprise de Volet. Alors, c'est à la maison de la BD, hein, c'est ouais, ça. Ouais. Qui vient nous faire un concert. On espère qu'il fera beau et qu'on sera bien en extérieur pour le concert. Reprise de Volet, c'est un groupe qui reprend beaucoup de titres des années 70s, Undertones, MC5, ce genre de ouais. musique. Et puis les gens pourront défiler à la maison de la BD dans cette salle numéro 1 ou numéro A. C'est la salle Gottlieb. Ah, c'est la salle Gottlieb. Salle Gottlieb. Donc, quel très joli nom. Ouais. Et donc je connais un roman jeunesse qui vient de sortir il y a quelques jours où il y a une rue Marcel Gottlieb. Ah bien. le rendez-vous demain c'est 18h30, mais dès le matin les gens peuvent venir regarder l'expo, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça, nous, c'est-à-dire que la maison de la BD, on a une petite semaine de fermeture parce qu'on avait les expositions de cet été là, donc il y a les expositions de la rentrée. Donc notamment l'exposition rétroviseur, donc dès demain matin 9h30 midi, 14h, 17h30, donc évidemment vernissage à 18h30, et c'est gratuit. Donc voilà, c'est pas cher. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Nous, la maison de la bande dessinée, c'est vrai qu'on a un équipement dont on est fier. Ça fait du bien. Mais surtout qui est gratuit. Hein, donc si on a envie de venir une fois, si on veut venir tous les jours, on peut venir. Jusqu'au 5 novembre. Jusqu'au 5 novembre. Voilà, sauf le dimanche. Le dimanche est fermé quand même. Hein. D'accord. Mais le samedi, c'est ouvert. Le samedi, c'est ouvert. Ah, par contre, pour les petits fours, c'est que demain. Que demain. C'est pas que la peine demain. D'en manger tous ou, les jours. Ou alors, les gens viennent avec leurs petits fours. Avec leur manger. Ouais, c'est ça. Donc, et en petit bonus demain, parce que je sais pas si tu te souviens, je suis venu, ça doit être l'année dernière, je crois, présenter la compile Roxette. Oui, et donc, alors j'ai vu, ça y est. Ouais. Et demain, on distribue, en fait, les vinyles, double vinyle 33 tant tours. Attendu. Tant attendu à toutes les personnes qui l'ont commandé. Donc, ça fait plus d'un an que c'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Et enfin, je suis allé les chercher ce matin. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Mmh. Ils sont sublimes. Et donc, il n'y aura que 150 pièces. Il n'y en aura pas une de plus. Et ça, c'est pas gratuit. Ah non, c'est pas gratuit, mais c'était pas cher. C'était pas cher quand même. C'était 25 euros le double CD. Tiens, donc, puisqu'on parle de sous, est-ce que les œuvres sont à vendre? Pas pour le moment. Non. Non, en fait, c'est les œuvres, en fait, c'est un peu à la règle, hein, c'est-à-dire qu'on y a une rémunération effectivement pour les artistes, mais ça reste la propriété en fait des auteurs. Donc voilà, après ils démontent quand on démontera l'exposition après le festival et puis après chacun récupère son œuvre. Voilà. Mais peut-être qu'après, il y aura des évolutions possibles à voir avec les auteurs, tout ça. Enfin, ça, c'est le futur, ça. Alors moi, sur ce que j'ai vu, évidemment, j'ai reçu les versions numériques. Donc on se rend quand même compte que c'est beau, mais c'est jamais aussi beau que quand on les voit en vrai. Et au niveau des formats, diversité de formats, ou il y avait une règle dans le format? Alors, tout le monde devait avoir le même format. Il y avait des règles, il y avait quelques règles. Format A3. Tout le monde a travaillé en A3. C'était et format A3 portrait normalement. Ouais, normalement format portrait. Alors qui a joué le punk? C'est Jean Solet, donc voilà. Du coup, on peut rien lui dire, c'est Jean Solet. Ouais, non, donc je l'avais vu à Paris au mois de juin. Il me dit, écoute, ouais, Bruno, c'est bien en A3, mais moi, ça sera en B12. Voilà, ça sera. Donc, mais format paysage. Ouais, ok. Bon, on va se débrouiller. Donc voilà, c'était. Et il y avait une autre règle aussi. C'était en bichromie. Ah oui, donc Solé, rien dans il ne coche rien. Donc tout le monde a à peu près travaillé en bichromie ou en noir et blanc, quoi, évidemment. Mais Fabrice Médour, pas du tout. Non. Mais alors là, mais, quelle classe celle-là. Ouais, elle est chouette. Ouais. Magnifique. Ah, ouais. Alors on peut dire qui l'a peint. Mason Casey. Voilà. Un bluesman du New York City Blues. Et c'est parti de la galaxie Pupa Chubby. Ouais, totalement magnifique celle-là. Ouais, très belle. Et donc effectivement, il n'est pas tout à fait. On n'en est pas loin de la bichro, disons que. Ça parce que tu l'aimes bien. Ah ouais. C'est pas du tout de la bichromie. Hein. Disons que le pinceau un peu dérapé, quoi. Oui, c'est ça. C'est voilà. Ça. Donc, ils sont vraiment sympas chez Benedict. Ils sont jolis tes 8 couleurs de bichromie. Mais après, moi, je suis un peu daltonien. Alors c'est. Ça aide. Voilà, sur ce genre de détails, je suis pas très très franc du collier. Toi, t'es daltonien et Solé, des contrariants, quoi. Ok. Alors maintenant, c'est un choix musical. Je vous rappelle que c'est une émission musicale, quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on est venu. Bah, hein, j'entends bien. C'est un choix de Bruno, maintenant, qui nous a préparé donc une petite chorégraphie avec deux guitares. Ça peut être facile, il va faire ça tout seul. C'est les Fleshtones. Tout à fait. Et là, tu me fais plaisir. Enfin, de plaisir depuis le début, mais enfin les Fleshtones, je suis content. Alors pourquoi est-ce que c'était les Belles Raises ou c'était les Fleshtones qui t'avaient empêché de voir un match de foot parce que t'avais programmé une interview? Non, c'était le guitariste. C'était pas les Fleshtones, j'ai jamais interviewé les Fleshtones. C'était le groupe de Kiss, les guitaristes. Il a un nom, on est en direct. Eddie Minos, non guitariste des Plimsolls. Oui, c'est ça. Il y avait Eddie Minos. Ouais, mais le nom du groupe m'échappe. Alors lui, c'était les Split Squad. Ouais, c'est ça. C'était Split Squad, et là, franchement, un membre des Plimsolls qui me dit oui, j'aime le foot, hein, certes, mais non. Et il y avait le guitariste des Fleshtones. Exactement, qui jouait ce soir-là sur scène avec eux, et voilà, ouais, c'était assez réjouissant, ouais. Et donc un mec de Blondie aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était dans cette salle où j'ai failli devenir sourd. Très bien. Petit problème de réglage de son. Mais en tout cas, ouais, c'était un grand moment. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview de ce guitariste légendaire, Plimsolls et Split Squad, sur ontherocks.net dans les archives. Mais on en recausera sûrement dans le rétroviseur dans cette année des 30 ans. Alors, Bruno, pourquoi Fleshtones? Bon, je sais pas, c'est un groupe que j'écoute depuis, je sais pas, quelques décennies. La première fois que je les avais vus, c'était à Jouer les Tours, à la MJC de Jouer les Tours. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque où il y avait des concerts rock comme ça. Moi, je les ai vus à Tours aussi la première fois, à Lille au Car. Ouais. Et donc voilà, je les avais revus il n'y a pas si longtemps avec Roxette, Alain Guinguette. Donc voilà, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup. Et puis ils ont toujours aussi un rapport avec la bande dessinée. Il y avait notamment des pochettes qui avaient été illustrées par Serge Clair. Ouais. Donc voilà, donc beaucoup d'éléments pour les apprécier. Et ben c'est parti. Le morceau s'appelle Available. Inoxydable Fleshstones dans The Rocks avec le morceau Available, et c'est pour annoncer ce rétroviseur Expo Rock 7 qui commencera demain à la maison de la BD de Blois. Ce sera donc le 6 demain jusqu'au 5 novembre. Mais si vous voulez manger, c'est demain. Si on résume un peu le truc. C'est ça. Est-ce que vous avez eu vent d'artistes, j'imagine que certains artistes ont vu les illustrations, et quelles ont été leurs réactions? Tu nous as parlé des Belles Rays. On a essayé d'être secret quand même jusqu'à demain. Il y a quelques trucs qui ont filtré. Bah, ta faute, tu la montres aux Belles Rays. Ouais, mais c'est. Parce que les Belles Rays, je peux pas les voir tous les jours. On connaît la taupe. Ouais. Mais après, bon, il y a le dessin de Arnaud Floch qui est sorti dans la presse blésoise, et sur Internet. Il y a eu pas mal de ses pairs qui ont réagi. Ah. Il me semble dans les messages dessous là. Mais autrement, non, c'est resté pour l'instant secret. Ouais. Donc non, c'est pas qu'on voulait cultiver le secret, mais c'est-à-dire que si on veut, Faut pas trop déflorer quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est-à-dire que nous, l'ouvrage va sortir en novembre. Alors l'ouvrage, justement. Ouais. Alors l'ouvrage, il y a alors évidemment il y a les 20 illustrations et puis il y a un petit peu de texte aussi. Donc qui a écrit? On s'est partagé le boulot avec Christophe, chacun dans son domaine. Donc avec une petite bio des artistes, puis une petite bio des auteurs, ouais. Et puis une petite anecdote Roxette sur le concert qui est représenté, donc Il y a un peu de lecture, bon, ça va pas faire mal de tête, hein, mais il y a quand même quelques infos à piocher sur la vie des uns et des autres, si on est intéressé par le parcours de ces artistes. Et c'est surtout, on aura le plaisir, donc c'est un petit livret de 50 pages quand même. Et Où est-ce qu'on pourra se le procurer, celui-là? On y arrive. À partir de maintenant, vous pouvez faire une réservation. Tu as vu que je trépigne. Vous pouvez faire une réservation, si vous voulez, la formule cadeau. Il y a une réservation à faire sur le site Helloasso. Ouais, Bédéboum et Helloasso. Donc, vous allez par exemple sur le site de Bédéboum, vous allez sur l'article rétroviseur et en fait Helloasso, c'est une plateforme, ça peut être une boutique en ligne pour les associations. C'est sympa en librairie, hein. C'est là quand même. Non, c'est là. Après, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais, en fait, ouais. Là on peut. Nous l'idée en fait, c'est que chaque fois qu'il y a un projet, ça veut dire aussi des financements, c'est-à-dire qu'il y a deux assos, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à peu près. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses, mais il faut qu'il y ait des recettes aussi. Il faut qu'il y ait un peu de recettes. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'il y a 100 exemplaires qui sont mis en vente, en pré-vente, là, dès maintenant. En forme cadeau, vraiment. Ouais, avec des petits bonus. Ouais. L'appareil, on peut pas dire? Si, on dit, parce que là, c'est les bonus. C'est quoi les bonus? Oui, mais les bonus. Ouais. C'est quoi les bonus? Les bonis d'ailleurs. Il y en a deux. Le premier en fait, c'est un album qui s'appelle Dust Bowl. En fait, ça c'est un autre projet qu'on avait réalisé à Bédéboum il y a une dizaine d'années. C'est avec le Château d'Eau. Avec le Château d'Eau. Et le studio Paul Nord. Qu'on salue. Ouais. C'est un livre CD. Donc on avait demandé. Qui est luxueux, hein. Attention, c'est vraiment un très beau bouquin. Bouquin avec un disque. Avec un disque. Et donc, en fait, on avait fait ce livre CD. On avait sollicité un certain nombre de dessinateurs qui jouent dans des groupes de rock pour faire rapide. Donc, il y avait encore Jean-Claude Denis Berberian, il y avait Emmanuel Moineau avec son groupe. Il y avait Rolhomme avec son groupe de l'époque qui s'appelait Sex and Dollars. Comment on n'y a pas pensé avant? Et donc, il y avait deux morceaux qui étaient enregistrés au studio Pôle Nord. Et chaque groupe avait deux morceaux. C'est ça, deux morceaux. Et puis après, chaque dessinateur, faisait une illustration, un peu le même principe, hein, voilà. Puis il y avait un petit texte fait aussi par les dessinateurs. C'est un très très bel objet. Ah ouais, vraiment. Ça c'est le bonus. Et comme nous en restait quelques exemplaires, et puis qu'on se dit ça peut être pas mal aussi d'avoir ce petit bonus. Et puis après, on était sollicité par Paddy O'Turner. Paddy O'Turner, lui, il est à double tranchant, parce qu'il est musicien, il est un one-man band sur l'Irlande, et il est représenté indirectement par sa plume, parce qu'on l'a sollicité pour qu'il représente cette soirée du comeback rock and roll. Et donc, Paddy vit aussi de sa plume. Mmh. Quand il a vu ça, l'info, il a dit, moi, je veux bien mettre aussi, je file son CD. Donc, pour 13 balles. Ouais. Voilà ce que vous avez. Alors, comment qu'on fait? Redites. Dans votre panier, vous avez monsieur. Vous avez monsieur. Plus un paquet de nouilles. Donc, vous avez le rétroviseur, mais il faudra être un petit peu patient. Donc, il sera, Le rétroviseur sortira le 11 novembre. On va faire une soirée spéciale chez Ben. Notre copain Ben Bluesbar. On aura Marc Minnelli en concert pour ce soir-là. Et on aura des artistes locaux qui viendront faire des dédicaces. Ça, c'est quand même la classe. Voilà. Et ensuite, pendant le festival Bédéboum, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais l'expo va ressortir pendant le long week-end du festival Bédéboum. Qui aura lieu du 18, 19 et 20 novembre. Toujours gratuit. Voilà. Très bien. Et là, donc, le livre sera en vente. En vente libre, il n'y aura plus les bonus, mais on aura peut-être même l'intégralité des artistes qui seront là pour faire des dédicaces sur ce livret. Ouais, c'est ça. Donc pour les collectionneurs, ça peut être sympa aussi. Bah alors redites-nous pour les bonus où on s'inscrit, redites-le. Alors, ça m'intéresse même moi. Alors redites-le. Donc vous allez sur le site maisondelabd.com ou bdboom.com, c'est en fait le même site, mais il y a deux noms. Vous allez sur l'exposition rétroviseur et à la fin du petit article, vous avez un lien et c'est Helloasso et là, vous sortez la carte bleue. pour faire rapide, pour être, ouais, pour, ouais. Voilà, pour mais être, bon, c'est vraiment une petite somme, hein, 13 euros. 13 euros. Et donc, ouais. Ça sera livré après le 11 novembre. D'accord. Ouais. Et donc, si vous voulez, puisque nous ne poussons pas l'achat ici, mais c'est bien de le faire, si vous voulez juste gratuitement admirer ces œuvres, parce que je crois qu'on peut dire ça, ouais. Et ben, c'est à la maison de la BD. C'est ça, et là, c'est, BD. Là, ouais. C'est ouvert à tous et à toutes. Ça va être un grand moment, je pense, tout ça, messieurs. En tout cas, c'est un super projet. J'espère. Ouais, super projet, mais effectivement, Christophe, c'est souvent des super projets quand même. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, il y a même un projet dans le projet, puisqu'en fait, on a travaillé aussi avec l'éthique. L'éthique, c'est une école de design qui est juste à côté de la maison de la bande dessinée. Et donc, la couverture de l'album... L'affiche que tu as devant toi, ouais, là, aussi. Ouais. Hein. A été réalisée par une élève, en fait, de l'éthique. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu un workshop avec des étudiants. Il y a une vingtaine d'étudiants qui ont participé pendant 3 jours de travail avec leur prof. Et elle a gagné la timbale. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc, avec le visuel de l'affiche de l'expo. Donc, il y a un vue-mètre, hein, c'est un vue-mètre un peu. C'est ça, un vue-mètre, ouais. En bichromie. Là, on est vraiment en bichromie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'expo à la maison de la BD, il y a une télévision qui sera allumée et il y aura toutes les propositions que les élèves nous avaient faites. Ah, sympa. Donc, génial. Voilà. Bon, bah, très très donc bon voilà projet. Et c'est aussi cet élève qui réalisera en fait la maquette. Et d'accord. Ouais, c'est-à-dire ouais. Que et la couve. Et la maquette. Ouais. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même un chouette boulot parce qu'elle a créé toute sa police. C'est une police qui a été dessinée, scannée, etc. Donc est-ce qu'on peut la nommer? Oui. Elle le mérite. Oui. Lisa Dupin. Lisa Dupin, bravo. Voilà, bientôt tu pourras jouer les rebelles et faire de la trichromie. Mais là, pour l'instant, bon, on te dit bichromie, tu fais bichromie, quoi. Mais ça, c'est vraiment, Bruno, j'allais oublier de le dire, mais il a raison d'insister là-dessus. C'était vachement bien d'avoir ce rapport aussi avec cette école, ce ouais, partenariat. Bien sûr. Et il y a un espèce de cocktail blésois qui est vachement, je ne vais pas trouver mon mot, mais vachement prolifique. Ouais. Et puis les uns les autres, et ben, on se stimule et c'est top. Un cocktail blésois stimulant, pour prendre sans modération, c'est quand même pas mal. Donc ça commence demain à la maison BD Boom, à la maison de la BD pardon, on va continuer à parler un petit peu de ce projet, mais d'abord on va regarder dans le rétroviseur d'On The Rocks, puisque je voulais annoncer au début, pendant toute cette année, je vous ai concocté d'ailleurs un petit générique exprès pour ça, je vais vous raconter des petites anecdotes de choses qui m'ont un petit peu marqué pendant ces 30 ans d'émission. On commence maintenant et le générique, ça fait à peu près ça. J'ai eu 30 ans. Happy birthday to you. Radio show depuis 1992. Moi aussi je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, on the rocks. Bon, vous avez reconnu Catherine Ringer, vous avez reconnu Arnaud à la fin quand même. Hein, ça fait plaisir d'entendre Arnaud. Il y avait des Who aussi. Il y avait des Beatles. C'était le seul solo de Ringo Starr sur Abbey Road. Voilà. Et comme d'habitude, c'est un super jingle sur On The Rocks, parce qu'à chaque fois je suis admiratif de ce jingle. Hein. Ouais. On s'amuse bien. Okay. Alors le premier petit souvenir, je vous emmène, là c'est en 2004, pour vous situer un petit peu mon fils là qui rentre à la fac avec une certaine... venait de naître, c'était il y a bien longtemps, et j'allais réaliser une petite interview à l'Astrolabe comme j'en ai fait beaucoup, et ce soir-là c'était une chanteuse que j'adorais et qui commençait à rencontrer un gros succès avec son album. Elle s'appelait Leslie Feist, concert donc Feist sous son nom, qui a été longtemps la protégée de Chilly Gonzalez. Et donc je suis arrivé, généralement c'est pas toi qui va me contredire Christophe, c'est on arrive au moment des balances et on dit après les balances l'interview, c'est après les balances, t'as 20 minutes, mais dépêche-toi, faut qu'il retourne à l'hôtel. Et il y en a un qui veut aller aussi acheter du trop. Bon, bref, faut viser, quoi. Et donc, je suis arrivé au moment des balances. J'ai été d'abord surpris par la taille de Feist, qui était plus petite que moi, et ça, j'adore, parce que c'est pas si souvent, les gens plus petits que moi. Et puis, elle était en pleine balance, en train de chanter, de vocaliser, et elle savait qu'elle avait une interview à faire avec moi après. Et d'un coin de l'œil, elle m'a vu m'installer dans un coin et sortir mon petit carnet pour réviser un peu mes questions, parce que je bosse quand même, hein, monsieur. On n'a pas l'impression, mais c'est du boulot, 30 ans. Et du coin de l'œil, elle a continué à chanter sur avec les musiciens qui bastonnaient derrière, et quels musiciens, mais elle vocalisait avec les paroles qui disaient, ouvrez les guillemets, « J'arrive Manu, j'arrive Manu, j'arrive, je te jure, j'arrive Manu ». Donc voilà, elle vocalisait là-dessus, donc ça a été quand même un grand moment, Face qui chante ça. Et puis après, après la balance... Je lui ai dit, évidemment, comme à chaque artiste, bon, on fait ça où, pas trop de bruit, machin. Elle m'a dit, oh là, j'ai envie de sortir, j'en ai marre d'être dedans, viens, on va dehors. Alors, autour de l'Astrolabe d'Orléans, pour trouver un petit espace vert, c'est un peu compliqué. Et donc, on s'est assis tous les deux sur les marches, dehors. Donc, on entend les voitures passer pendant tout l'interview. Et là, j'ai rencontré une artiste qui était d'une disponibilité, d'une gentillesse absolument incroyable. L'interview n'est pas retrouvée sur onthe rocks.net parce qu'il est un peu trop vieux, donc ça, c'est vraiment dans mes archives perso. Mais je vous ai quand même exhumé un tout petit bout. Puisqu'à la fin, je lui demande, comme je demande régulièrement à plein d'artistes anglo-saxons, puisqu'elle est canadienne mais anglophone, si elle peut nous chanter une petite chanson en français. Elle a plissé les yeux, elle s'est plongée dans ses souvenirs, elle a dit « Ah, mais quand je faisais mes cours de français et que j'étais vraiment à l'école, quand j'étais enfant, on avait appris cette chanson en français. » Et voilà ce qu'elle s'est mise à entonner. C'était en 2004 et le souvenir est toujours assez présent parce que c'est une rencontre assez géniale. Bonjour, bonjour, moi je m'appelle Gaston. Bonjour, bonjour, et moi je suis garçon. Bonjour, bonjour, moi je m'appelle Camille. Bonjour, bonjour, et moi je suis une fille. Is it correct? Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, oh, oh. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. Oh, oh, oh, but in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pain. C'était Faced à l'instant dans On The Rocks avec le morceau Mushroom qui était peut-être un de ses plus gros succès en France. Voilà, je vous conseille de vous plonger dans la discographie de cette jeune femme qui est vraiment magnifique, quoi. Tu as quand même une vie merveilleuse, Manu. J'ai une vie assez fantastique, c'est vrai. Donc on recommencera assez évidemment ces petits exercices de rétroviseur. Vous entendrez ce petit générique toutes les semaines et je vous raconterai une petite anecdote à chaque fois. Et puis il y aura une émission spéciale 30 ans, je l'espère, au mois de décembre. Alors il y a pas mal d'artistes qui ont répondu présent pour l'instant pour m'enregistrer une petite reprise. Il y a qu'une seule qui me l'a envoyée dans la foulée. Elle était en vacances en Corse et elle a trouvé une petite guitare. On en reparlera ça aussi, mais une petite guitare dans la maison familiale que sa tante avait mis de côté, la petite guitare sur laquelle elle jouait quand elle était toute jeune ou enfant. Qui était complètement désaccordée. Ouais, voilà. Et donc elle m'a enregistré le soir même en Corse, le soir de ma demande, en plein cœur du mois d'août, une petite reprise. Je vous dis pas de qui, vous verrez bien. Et c'est Alma Forer. Donc je la remercie parce que pour l'instant j'ai un morceau, donc ça c'est quand même pas mal. C'est mieux que rien. Et donc pas mal d'artistes ont répondu présent. Alors voilà, peut-être du basse, peut-être du bel raise, peut-être voilà. Donc il va y avoir des belles choses à venir dans The Rocks pour cette année. Puis on soufflera les bougies ensemble. Volontiers. Je crois que je vais venir en souffler un peu chez toi aussi, c'est ça? Ouais, chez toi. Ah bah oui, à tes micros. Bien sûr, on t'attend à la Rock cette liste. Il faut simplement trouver une date qui correspond, parce que toi, t'as un planning qui est pas forcément compatible avec le mien. C'est vrai. Mais on va trouver forcément une date. Parce que on ne peut pas passer à côté de 30 ans d'émission, et il serait temps que tu aies la programmation aussi de quelques soirées concerts. Tu pourrais t'exprimer pleinement. Ça serait quand même bien que tu puisses t'exprimer. Mais j'entends bien. Mais je n'attends que ça, mon cher. Tiens, puisque tu parles, c'est un choix de toi, ça maintenant. Fusibox. Alors, qui a illustré Fusibox? Fusibox. Alors en fait, c'est un global, parce que Fusibox, ils ont fait partie de notre soirée, le Compact Special Rock and Roll. Yeah. C'était à la fin du confinement. D'ailleurs, c'était pas encore vraiment la fin. Et on n'en pouvait plus de pas faire de concert. Et à un moment, on a réfléchi et on s'est installé dans une prairie au milieu de nulle part. Je me souviens très très bien de ça. Et il y avait les Fusibox qui m'appelaient régulièrement, dire hey, putain Christophe, tu pourrais nous faire un concert quand même, t'inquiète, on sera pas cher. Et donc voilà, à force de discuter tout ça, on a fait une très belle soirée avec les Fusibox qui venaient juste de sortir un album, avec un très bon groupe blésois, les Mean Circle, qui démarrait son parcours. Ça faisait un an et demi qu'ils existaient, je crois, deux ans. Et puis Paddy Turner, dont on parlait tout à l'heure. Et les Fusibox, ça fait, ça doit faire deux, trois fois qu'on les fait. C'est les seuls musiciens qui habitent loin qui ont fait le déplacement dans le studio. Tu vois, ouais. On n'a pas la même notoriété qu'un On The Rocks qui régulièrement reçoit des VIP et qui viennent jusqu'à Orléans. Mais on sait plus où les mettre, les pauvres amis. Moi, mis à part Johanna Sherton qui est venue de loin et, il y en a eu quelques-uns. Mais oui. Mais les Fusibox, toi, ça remonte à presque 10 ans et j'ai été éberlué de voir que eux, ils étaient capables de venir une soirée à Blois pour parler de musique. Et le truc important dans la vie de Roxette qu'ils ont eu, c'est qu'ils nous ont présenté les inspecteurs Clouseau. Ah, ça. Donc, ça, c'est pas mal. On ne connaissait pas. Et avec mon copain Bébert, avec qui on présente l'émission, Hugo nous a parlé de la finalité, de l'esprit de ce groupe. Et on s'est regardé. Et trois mois après, on les avait en concert. C'est ça. Et Fusibox, ils ont une histoire géniale. C'est des jeunes qui commencent à prendre de la bouteille parce qu'ils arrivent à 30 ans. Toi. Ils ont mon âge. Non, ils ont l'âge de ton émission. Ah oui, de mon émission. Ils ont l'âge de ton émission. Et ils sont hyper, hyper généreux dans ce qu'ils font sur scène. Ils ont le sens de la mélodie. Leur musique évolue au fur et à mesure des années. Ce qu'ils font maintenant, ça ressemble un peu moins au morceau que l'on va écouter parce que c'est un extrait du premier album, ça. Que nous avons découvert à Roxette sur la scène de l'Astrolabe. Alors, est-ce que sur l'illustration des Fusibox, il n'y a pas une guest star? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Moi, je crois. Lunettes, les cheveux en pétard. Je crois, ouais. Tu vois? Je crois voir. Le camion de la buvette, c'est un indice. C'est ça, ouais. Je ne vois pas. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur l'illustration, c'est la seule bande dessinée d'ailleurs. Oui, exact. Puisqu'on a uniquement des illustrations, ouais. Mais là, Paddy, en fait, a fait une petite bande dessinée qui raconte, en fait, cette soirée. Donc ça, c'est assez chouette. Donc voilà. Bah, j'aime bien le concept là de la guest star, de l'affiche réalisée par Paddy. Et puis c'est vrai que lui, il est aussi représenté en tant que musicien. Ouais. Il est puis là, il a voilà. Donc lui, il travaille à la tablette, en fait. Donc mais moi, je me souviens, on avait parlé avec Christophe parce qu'il avait joué aussi pour Belly Boom, parce que on est une soirée remise de prix, etc. On aime bien faire un petit set, un peu de rock, etc. Non, c'est ça qui est bien aussi avec Belly Boom, c'est qu'ils sont jamais loin de la musique, ils font tout. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'aime bien. Et c'est pas un hasard, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de musique un peu partout. Et donc, Paddy avait joué. Donc en plus, je l'avais vu justement à cette soirée-là, etc. Et puis, effectivement, j'ai bien vu aussi qu'il dessinait plutôt pas mal. Donc, c'est lui qui fait, tout son site, ses couvertures d'albums, etc. Et oui. Il a sorti un album de bande dessinée, d'ailleurs, pour un éditeur anglais, sans parole. Ouais, parce que lui, il est gallois, Paddy. Ouais. Il est gallois. Ouais. Et c'est lui oui, qui on sent bien, Paddy, il n'est pas blaisois. Ouais, on entend bien. Et c'est lui qui dessine ses pochettes d'albums. Et toi qui travailles dans la sphère éducative, il vit aussi grâce à un site internet qui s'appelle poissonrouge.com, je crois, où il met en place plein de situations pédagogiques pour les jeunes enfants. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces illustrations sont, je trouve, très, très vintage. On n'est pas dans des mesures de graphisme avec des effets incroyables. On est sur des trucs très simples, très efficaces. Bon, et puis on parlait d'Inspecteur Clouseau tout à l'heure. Peut-être qu'on aura le temps de les diffuser. C'était dans vos choix, mais là, ça va être chaud, les gars. Inspecteur, non, on parle trop. De parler, mais Inspecteur Clouseau, très très belle. Mais bon, j'allais dire comme d'habitude, illustration de Will Arbunas, qui on tombe de sa chaise à chaque fois. Lui, quoi. C'est le top, ce monsieur. C'est le top. Oui, on est d'accord. Donc là maintenant, on a dit quoi? On a dit Fusibox. On a dit Fusibox, et c'est là, et c'est maintenant, et c'est sur, ça s'appelle Vibrator. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Il faut bien écouter les paroles. On the TV, you have a dream when you tell me that you don't feel fine. You know it's hard for me to pretend that I care, and I'm staring at your face like a moth attracted to light. No, well, I don't wanna be your best friend, baby. I need to get all the friends, baby. I'm just so tired of waiting. I'm Fusivox dans The Rocks. Alors, je diffuse les Fusivox à chaque fois que Christophe vient, quasiment. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est bien, les Fusivox? Et je devrais en diffuser plus souvent. Je me tape sur les doigts, écoute. Voilà. Il y a beaucoup de groupes que je me dis, mais non, ils les écoutent pas. C'est dingue. Mais oui, c'est incroyable. Mais il y a quand même des trucs que j'écoute. Ah, oui. D'accord. Ouais. Mais ouais, Fusivox, bon. Vraiment. Très, très bien. Tu remarqueras qu'aujourd'hui, j'ai pas programmé Little Bob parce que je sais que dans 15 jours, tu vas faire une spéciale Little Bob. Exactement. Dans 15 jours, interview de Little Bob enregistrée lors d'une petite sauterie blaisoise qui était bien sympathique. À la guinguette. Alors donc simplement pour rebondir sur les Fusivox. Toi tu rebondis sur les Fusivox. Ouais, tout à l'heure on parlait de son chanteur guitariste Hugo Fabry qui est très productif. Donc il a un groupe, enfin il a un one man band qui s'appelle Vigor Hugo qui est exceptionnel. Il joue de 15 instruments en même temps et tout, c'est super. Mais il vient de créer un nouveau groupe aussi de ska qui s'appelle The Mercurials. Et le truc rigolo, c'est que, enfin rigolo, c'est pas rigolo, mais c'est vachement bien. Il y a Lisa des Belles Rays qui participe à son premier single. Ah, parce qu'il faut savoir qu'entre les Fusivox et les Belles Rays, c'est un grand amour. Ah oui. Ils ont fait beaucoup de concerts ensemble en Angleterre, ils ont fait beaucoup de premières parties, ils sont vraiment très très potes. Et donc Lisa a participé à ce premier titre, elle a enregistré chez elle à Los Angeles, et elle a envoyé tout ça à Hugo pendant le confinement. Ah, classe. Voilà. Donc je te conseille de programmer aussi The Mercurials. Je le note. Mmh. Hugo Fabrice, The Mercurials. C'est noté. Et d'ailleurs, et je suis sûr que lui, tu l'invites à ton micro, il va venir aussi. C'est vrai? Ah bah voilà, Hugo, c'est ça qu'il faut me dire. Hugo, il est top. Parce que les Strawberry ici, j'arrête pas de les inviter, ils viennent jamais. Ouais, bah. Ils sont trop loin, il me dit c'est trop loin. Tour quand même, merde. Par contre, les Strawberry Seeds, bon, ils se rattrapent un petit peu parce que peut-être, c'est peut-être les seuls artistes qui n'ont pas encore donné d'interview dans On The Rocks et qui peut-être me livreront une petite reprise pour les 30 ans. Mais je suis sûr que tu vas finir par les avoir. Ouais, bah, moi je suis un gars un peu têtu, hein, comme toi, tu vois. Elliot Murphy? Yeah! C'est ça que je vois écrit sur ma feuille. Oui. C'est qui Elliot Murphy? C'est Bruno? C'est Bruno? C'est Elliot Murphy. Elliot Murphy, c'est pas Bruno. Ouais, bah, c'est on n'est pas en train de faire un chapeau, quoi. Une révélation, quoi. Non, si on peut juste dire un petit mot sur Elliot Murphy, donc qui est illustré par Jean-Claude Denis. C'est une petite anecdote aussi. Quand on a fait la répartition des illustrateurs et des groupes, je dis, ah, je suis sûr que Jean-Claude Denis, Elliot Murphy, ça va lui plaire. Je lui propose Elliot Murphy, il était partant, etc. Donc c'était plutôt sympa. Et la deuxième chose, c'est que il a fait une affiche pour un festival au mois de juin, je ne sais plus où, j'ai honte. Et où en fait une des têtes d'affiche c'était Elliot Murphy. Donc il lui a fait voir le dessin, etc. Donc ils ont discuté tous les deux. Ils se sont bien entendus. Donc si un jour il y a une pochette d'Eliot Murphy illustrée par Jean-Claude Denis, soyez pas surpris. Ça c'est pas mal. Et pour tous les gens qui aiment la musique, si vous aimez Gigi Kale, précipitez-vous sur le dernier album de Jean-Claude Denis qui est vraiment sublime à ce niveau-là. D'accord. Jean-Claude Denis, esprit Gigi Kale. OK. Et puisqu'on parle d'Eliot Murphy, je vous rappelle que sur le dernier album de Natalia M. King, il y a un très très beau duo, très bel album, une artiste qui aurait qui était partante pour faire un concert des 30 ans d'On The Rocks. Dans notre livre, j'en parle indirectement, je ne cite pas son nom, mais je rebondis sur le truc qui n'a pas pu se faire avec elle pour présenter une autre artiste et qu'on a été aussi hyper enthousiaste de découvrir grâce à Natalia M. King. Ouais. Et donc, Natalia M. King a été partante pour faire le concert des 30 ans, qui ne sera peut-être pas, mais ça restera virtuel. En tout cas, il y a sur son album un très beau duo avec Elliot Murphy sur une reprise de John Mellencamp, qui est à tomber par terre. Donc j'embrasse Natalia si elle écoute ce soir. Voici Love to America. Et puisqu'on parle d'Elliot Murphy, on parle forcément un petit peu de Bruce Springsteen, puisque c'est son pote. Et donc Bruce Springsteen revient avec un nouvel album bientôt et une tournée. Il sera en concert au mois de mai à Paris dans la grosse machine bidule. Je sais pas comment il fait pour aller dans cette machine. De la défense. Mais ouais, je suis un peu. Bah alors j'irai parce que forcément Springsteen, mais c'est un peu dommage. Mais en tout cas j'y serai comme couillon. Moi j'irai. Ouais. Et voilà. Et donc pour Springsteen, donc en concert au mois de mai à Défense Arena. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est pas bon. C'est parti. Love to America. Et il y aura sûrement Elliot Murphy qui montera sur scène parce qu'à chaque fois que je joue à Paris, Elliot Murphy monte sur scène. Tonight, a lane that lights on the tarmac, the rooms airplane looks so bright. that way, out that way. She doesn't know it, but she's gonna get to blow it. I said, oh, Papa Cosby, sitcom lies. You got the Cisco Kid low riding round the corner with a platinum blonde. He's now an exit on. Drag him out of the truck. He doesn't know where he wakes up next century in Florida. Everybody's 100, everybody's on Medicare. Wow, wow, baby down in Texas now. She's covered up in oil and she's cutting up a cow. She says, now, oh, how long for New York streets? That soul food so long, baby, hip-hop to the Uzi song. Bang, bang, baby, back in L.A. when everybody's screaming, there's gotta be a better way. Pelican mouth, politicians, Kansas lying, naked on the beach. Wonderland, paradise, cap white teeth. Designed to enjangle, I just had to reach. When I feel that way, take out my pen to say, I'm gonna write this letter. All I got to say is, ooh, c'était Elliot Murphy dans The Rocks avec Love to America, qui n'est pas si éloigné dans son propos du morceau de John Mellencamp qu'il reprend en duo avec Natalia M. King. Vous êtes toujours dans The Rocks pour cette première émission de la 30e saison. Ça fait un peu drôle, hein, quand même, de dire 30 ans. Ça fait un petit peu bizarre, quand même. Mais tu le vis bien, quand même. Eh ben oui, j'ai l'air, regarde bien, hein, frétillant. Est-ce que tu connais une autre émission qui a duré 30 ans? Est-ce que tu en connais une? Ben, je sais pas. Oh, il doit bien en avoir quand même. Georges Lang, il a dû bien faire 75 ans, lui, d'émission, lui, tu vois. Ouais, mais il s'est arrêté, puis on l'a viré entre temps. Oui, il a fallu qu'il revienne. C'est possible. Mais ouais, non, bon, je sais pas. Et après, si t'es au niveau de Georges Lang, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. J'ai pas le même physique, j'ai pas le même perruque, mais c'est pas mal. Et puis c'est pas tout à fait la même musique. Nous sommes toujours avec Christophe de Roxette à l'instant, et puis qui parlait dans le micro, et puis Bruno de BD Boom à Blois. On réannoncera tout ça, messieurs, là, parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Ça commence demain, de ce magnifique projet. Je vais vous passer un petit morceau, là, une petite nouveauté qui, moi, me fait fondre ces derniers jours. Je vous demande de poser l'oreille, une oreille attentive dessus, et puis ensuite ce sera le choix. Alors c'était qui ça? C'était Bruno, oui, on a dit Bruno, on l'a dit, Elliot Murphy, c'est Bruno, on l'a dit, on l'a révélé. Donc on finira avec toi, Christophe, qui diffusera le dernier morceau, c'est toi qui choisiras. Voici une nouveauté, je connais que quelques morceaux de ce chanteur, mais il m'enchante. Il s'appelle Jonathan Jeremiah, je sais pas si vous connaissez ça. C'est l'adjectif qualificatif qui c'est somptueux, voilà, je pense qu'on peut pas dire mieux, classieux. En tout cas, il y a des cordes, il y a une super belle voix. Alors évidemment, ça flirte avec l'Americana, mais vraiment, c'est assez magnifique. Je vous conseille d'écouter ses derniers singles qui sont sortis. Il n'y a pas d'album encore sur les derniers morceaux, mais ça ne saurait tarder. Voici le dernier morceau en date, ça s'appelle Restless Heart. Et puis voilà, l'intervention des cordes et tout ça. Enfin, moi, ça me fait fondre. Je ne sais pas si vous allez fondre sur place, mais moi, ça marche très très bien sur moi, ce genre de choses. C'est une nouveauté dans The Rock, Jonathan Jeremiah, Restless Heart. Et juste après, c'est Christophe qui nous propose le dernier morceau de l'émission. D'accord. C'est bon, je te le dis tout de suite ou je... Non, tu me dis après. Tu diras après, d'accord. Tu me feras la surprise. Ouais. C'est parti. A restless heart, hear me. A restless heart, like a runaway train, a breakneck speed. No amount of picking my fingers could ever stop it in its tracks. A restless heart, hear me, it's running out of track. The wind, these wheels, they start to turn. I have all I could ever need. All my senses take the lead. To hear my head. Just me and my restless heart. Oh yeah, one track mind, a couple demon feet. Shouldn't sat back with clock, checking out the perfect view, first class seat. While the opening straight. The axles creak. Our restless heart, hear me. The wind is, and these wheels they start to turn. And where the answers lead, I'll go. Vous êtes obligé de couper la chic de Jonathan Jeremiah et ça quand même ça c'est fait de la peine. Ouais. C'est magnifique hein. Une voix géniale. Bah, magnifique ouais. Elle est, tout est comme ça. Ouais. Ça allie un petit peu les voix de gros un peu de gros rockers américains avec la sensibilité de Sam Cooke parfois. Donc c'est vraiment. Je le note. Note-le aussi. Moi j'ai noté The Mercurials. la semaine prochaine dans On the Rocks, interview de Mathieu Dufault, programmateur de Pop-Up, avec une belle programmation au Pop-Up à venir. Pete Blom. Alors Pete Blom c'est absolument génial. Kiwi Junior. Il y aura vraiment des groupes super. Dans 15 jours interview de Little Bob organisé quasiment enregistré quasiment dans le salon de Christophe. Et puis donc à partir de demain, mais si on redit vite puisqu'il est derrière, il y a la Red Arc du sport qui trépigne. Il y a plein de choses à dire sur le football et les marabouts. T'as des infos sur les marabouts? Ouais, ça bouge encore. Ça bouge. Ils y souillent pas trop parce que les marabouts, c'est les pétoches quand même. Donc, d'à partir de demain, expo, le rétroviseur. Ouais, rétroviseur, expo à la maison de la BD, à 18h30, c'est le vernissage. Exactement, si vous voulez venir boire un coup, ça sera le moment. À Blois. Hein. On en profite, oui, à Blois, à côté de la place Louis XII. 3 rue des Jacobins. Voilà. Et cette expo, elle dure jusqu'au 5 novembre. C'est ouvert tous les jours sauf le dimanche. C'est gratuit. Et ensuite, il y aura une soirée spéciale au Ben Blues Bar le vendredi 11 novembre avec Marc Minelli en concert et avec certains auteurs proches de la ville de Blois qui viendront faire des dédicaces pour la sortie du livre que vous pouvez aussi acheter dès maintenant sur le site Hello Asso par la connexion Bédébou où vous avez un superbe filet garni, le livre qui sortira le 11 novembre, hein, évidemment, plus un... je le redis, un superbe coffret Dust Bowl qui est le fruit d'une collaboration Bédéboum, Paul Nord, Château d'Eau, plus l'album de Paddy O'Turner. Et pour terminer, le week-end Bédéboum, 18, 19, 20 novembre, il y aura l'expo. Et c'est gratuit. Il y aura même une autre expo autour de la musique qui s'appelle Le Retour des Vinyles. Donc voilà, je vous en parle pas parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut que les gens viennent comme ça. Tu seras disponible ce week-end-là, Manu. Et ben, peut-être. Je pense qu'il faut que t'accélères tes incursions dans le monde blaisois. c'est en train de, il y a peut-être un truc sur le feu aussi, mon cher Christophe. On en reparlera. On en a parlé dans la voiture déjà. Bah, on en reposera. Vite, alors un morceau, ça sera peut-être pas en entier parce que le pauvre Rémi, la derrière, il est déjà prêt. Alors, ça me semble évident qu'on fasse Marc Minelli, So Crazy. Bah oui, puisque bientôt. Bah oui. Il revient. Et ça fait partie de son répertoire avec le Havre All Stars qui est représenté aussi dans cette expo. Eh ben c'est parti, voici Marc Minelli. Merci messieurs d'être venus, d'avoir fait la route. Merci. C'est nous qui te remercions. Et puis bravo pour ce super projet, vraiment très très enthousiasmant et longue vie et merci pour tes 30 ans, et à Bédéboum. Hein. Bah, oui. Ouais. Allez, ciao, c'est parti, je vous laisse avec Rémi, la Red Arc du sport. Ooh, la la la la, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm in a dream.